Les cellules solaires en plastique font un bond en avant. Avec 8,3% d'énergie lumineuse transformée en énergie électrique, les panneaux plastiques de la société américaine Konarka établissent un nouveau record de rendement pour les cellules à base de polymères. Les performances de ces panneaux sont spectaculaires. Elles sont courtes de près d'un tiers en 3 années seulement. Le rendement du pauvre plastique de Konarka atteint désormais la moitié de celui des cellules traditionnelles, rigides à base de silicium, mais à un coût 3 fois moins élevé et un support souple. Les panneaux sont produits sous forme de rouleaux de 52 cm de large, sur une longueur quasiment illimitée.